Alors, il y a des BD dédicacés pour toutes les personnes qui vont se rapprocher des rangées du fond, si vous voulez. Venez, venez. Alors, il faut se présenter, Christophe. Tu vas te présenter, puisque alors, c'est toi qui as commencé à parler. Qui est... Oui, s'il vous plaît. Mathieu Sapin. Qui est... auteur de bande dessinée. Il dessine et il écrit des bandes dessinées. Des best-sellers, des choses formidables. Et il a réalisé un film. Il a travaillé sur plusieurs, adaptations. Qu'est-ce que t'as foutu ? T'as travaillé sur des adaptations de tes trucs. Adaptations quoi de... Oui. Oui, il y a eu des projets d'adaptation, toi. T'as pas eu que de... Ah, oui, oui. Non, mais on va faire peut-être une présentation courte. Voilà. Et après, on va rentrer dans le débat. Et oui. Et c'est un métier, je sais pas faire. Donc, alors... donc voilà, moi je fais des bandes dessinées et récemment j'ai commencé à faire des films. J'avais fait un court métrage en 2014 et puis un long qui s'appelle Vengeance et Terre battue. Et l'année dernière est sorti mon premier long métrage qui s'appelle Le Poulain. Et voilà, à toi. Moi je suis donc Nicolas Barry, j'ai commencé à travailler dans le cinéma il y a une vingtaine d'années sur des longs métrages à différents postes. Et j'ai continué à faire à côté de ça des courts-métrages que j'avais commencé au collège. Et voilà, après j'ai fait un premier long-métrage, donc Les Enfants de Simpleback, qui est sorti il y a une dizaine d'années. Ensuite j'ai enquêté une adaptation d'un roman. Ensuite j'ai adapté Au bonheur des ogres de Pennac. Et ensuite Le petit Spirou, donc de Tom et Jean-Ry. Et voilà, et sinon j'ai une société de production maintenant avec laquelle je coproduis mes différents projets. Et je fais aussi un peu de pub, un peu de clip. Moi, je suis Christophe Blin. J'étais nul de ne pas avoir de modération. C'est vrai, hein, c'est désagréable de se présenter ça. Oui, débrouille-toi. C'est de ma faute. Hein, Christophe a exigé de ne pas avoir de modérateur. Donc, on se débrouille. Bon, bref. Bon, je suis Christophe Blin. Je fais des bandes dessinées, des livres pour enfants, des trucs. J'ai fait plein de dessins partout. Et en ce qui concerne les adaptations de cinéma, il y en a une qui est aboutie, que j'ai co-scénarisée avec Bertrand Tavernier et Antonin Baudry, qui était le co-scénariste de Quai d'Orsay, qu'on a fait tous les deux, Antonin et moi, et ensuite qui a été adapté par Bertrand Tavernier en film et qu'on a écrit tous les trois. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que tu proposes maintenant ? Bah, je propose que d'habitude, on pas de modérateur. Et à la fin, le public pose des questions. Là, vous allez commencer par poser des questions. Non, c'est chaud quand même. Alors, il y a une question là-haut. Je prends un petit risque là. Les gens n'ont rien à foutre, ils disent rien. Bonjour. Donc, je suis Boulam Souk. Je suis aussi réalisatrice et autrice, hein, comme on dit. Donc, pour lancer le débat, je vais vous demander de nous expliquer comment on arrive de la BD au film. Tout simplement, comment d'un scénario et d'images déjà existantes, vous arrivez à faire une création originale ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a comment dire, les bandes dessinées qui sont adaptées au cinéma, les albums qui sont adaptés sous la forme d'un film. Et puis, il y a aussi une autre chose qui sont certains auteurs de BD qui font des films. Et donc là, en l'occurrence, je pense que la question, c'est plus par rapport à des BD qui deviennent des films, hein. N'est-ce pas ? À toi. Moi, je dirais qu'il y a deux grands axes possibles dans l'adaptation. Il y a l'adaptation dans un univers qui peut se rapprocher de la BD dans le sens qu'il y a des choses qui ne vont pas être forcément réalistes. Donc dans un univers qui peut être plus ou moins en déguisement ou plus ou moins cartoon, avec des vrais personnages, par exemple, des vrais acteurs, et un axe qui est d'aller dans quelque chose de plus réaliste, d'incarner. Donc, par exemple, pour moi, l'adaptation de Astérix et Obélix de Alain Chabat, c'est plutôt la première version. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un univers où il n'y a pas vraiment de texture forcément sur les costumes. On voit quand même que c'est Jamel qui est déguisé en, ou Edouard Baird qui est déguisé en, même si c'est des personnages qu'on connaît et que dans lequel on s'amuse à faire le lien avec la bande dessinée. Et à côté de ça, on va avoir une adaptation, je dirais, plus réaliste, façon, par exemple, Batman de Nolan, où même si ça reste un personnage habillé en chauve-souris, qui en soi pourrait être un peu bizarre, tout va être fait autour pour que ça soit crédible, en fait. Donc, tout le monde a l'air de trouver ça tout à fait normal. C'est très texturé, c'est très réaliste, et on est dans une approche où on est sur des personnages voilà, auxquels on peut se dire, on oublie l'acteur au bénéfice de l'univers. Alors, si je peux ajouter un truc, Nicolas, c'est qu'en fait, préciser ta pensée, si je me permets, c'est que en fait, tout dépend de ce qu'on adapte et du type de bande dessinée qu'on adapte. Quand tu parlais de réaliste ou pas réaliste, c'est-à-dire que Batman, à l'origine, est une bande dessinée réaliste, alors que Astérix, puisque tu citais ces deux exemples, sont des bandes dessinées qui sont vraiment... c'est une bande dessinée comique avec un style de dessin qualifié de comique, on appelle ça gros-né même, parce qu'il y a beaucoup de gros-né dedans. Et là, on se retrouve avec deux postures différentes. En fait, à mon sens, plus une bande dessinée est neutre, plus elle est naturellement adaptable au cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, Batman, c'est assez neutre parce que c'est un univers qui est censé évoquer la réalité. Donc, à partir du moment où on va prendre des acteurs, les proportions des personnages sont à peu près réalistes, les lumières, même si c'est très... y a un petit côté expressionniste, on voit que c'est une bande dessinée qui ne cherche pas à faire un dessin spécialement comique. Il n'y a pas une transcription de la réalité qui est extrêmement déformée. Un dessin qui est réaliste va être relativement neutre dans son expression, et ce qui fait que quand on va adapter la bande dessinée au cinéma, ça va être d'autant plus facile parce que le passage à la réalité est beaucoup plus évident, c'est neutre. Bon. Et puis Batman, tu donnais cet exemple, c'est une bande dessinée à l'origine, mais qui a été traitée par plein de dessinateurs différents, même si Frank Miller, dans les derniers, a fait une proposition graphique beaucoup plus adulte, beaucoup plus noire, beaucoup plus particulière dans son style. Finalement, Batman est une espèce de marque qui a traversé comme ça, et on voit l'image d'un super-héros réaliste. Même Superman est dessiné avec des proportions réalistes. Donc le passage à un acteur qui l'incarne est d'autant plus facile. C'est plus facile, il y a une proposition visuelle qui n'est pas très marquée. C'est beaucoup plus compliqué à partir du moment où on aborde un univers où le dessin va avoir une grande déformation, parce que en réalité, à mon sens, ce qui compte quand il y a une adaptation, quel que soit le support d'origine pour ensuite devenir un film, ce qui compte, c'est l'histoire. Après tout, on se fout de la façon de... C'est un prétexte. Il faut que pour que ça soit réussi, à mon sens, c'est qu'il faut que le film tienne tout seul. Il n'est pas besoin de faire une référence à l'œuvre d'origine pour que ça soit vraiment intéressant. Dans le cadre d'Astérix, Astérix est tellement connu qu'en fait, les gens ont envie de voir ce que donne un Astérix dans la réalité. Parce qu'on ne peut pas résister à cette espèce de désir qui est inatteignable, c'est de dire... comment ça serait si Astérix était en vrai? Comment ça, si Lucky Luke il était en vrai? Par quel acteur? Cette curiosité, cette envie d'incarnation dans le réel, on ne peut pas s'empêcher d'y résister. Alors en fait, elle est inatteignable, ça ne marchera jamais. Un Lucky Luke au cinéma sera toujours ridicule, un Astérix au cinéma sera toujours ridicule, mais bon, ça fera un film vaguement rigolo, mais c'est un peu de la merde. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en tant que cinéma. Le truc, c'est que... quand il y a une adaptation, il faut que il y ait une trahison, on s'en fout, il faut que le film soit bien. Et puis, de toute façon, ça ne fera jamais de mal à l'œuvre d'origine. Mais il faut que ce soit un truc intéressant. À partir du moment où la proposition visuelle est tellement forte qu'elle fait partie de la narration, là, ça devient compliqué. Parce que la traduire en film, c'est extrêmement difficile. Soit il faut être complètement... Ça peut donner des choses très intéressantes, mais à condition, à mon sens, que le cinéaste ait une vision totalement folle et obsessionnelle, qu'il ait vraiment besoin de voir des choses en film qui soient complètement dingues et qui soient tirées de la bande dessinée d'origine. Mais sinon, c'est assez lourd, hein, parce qu'on essaye de retrouver des codes, comme tu disais, pas texturé ou des choses comme ça, qui en fait fonctionnent pas très très bien. C'est laborieux. C'est de toute façon une trahison. Alors ça marche, il y a quelques exceptions, mais c'est pas généralement c'est pas formidable. Et à chaque fois en plus qu'un cinéaste essaye d'utiliser des codes qui sont propres à la bande dessinée, qui vont être des gestes exagérés, un dynamisme exagéré, etc. Et qu'il essaye de le traduire en film, généralement c'est très mou, ça donne rien. Les parties où Bertrand, par exemple, dans Quai d'Orsay, avait essayé de le faire, c'est pas les parties les plus intéressantes. Parce que ça se voit, on voit en fait qu'il fait référence à la bande dessinée d'origine. Or moi, je pense que c'est pas utile, on a besoin d'avoir la connaissance. Astérix, si les films d'Astérix, s'ils ne faisaient pas référence à un méga blockbuster de la bande dessinée pour être soi-même un blockbuster de cinéma, n'aurait aucun intérêt. Vous voyez un film d'Astérix, vous dites, ouais, ça a l'air d'un... ce que c'est d'ailleurs, un espèce de gros gâteau hyper sucré, vaguement marrant, bon pour les enfants, mais c'est pas vraiment intéressant. Et puis ça fait pas... la proposition du livre, aussi bien graphiquement qu'au niveau du scénario, dans le scénario, est tellement aboutie qu'en fait, on ne peut pas utiliser l'histoire, on ne peut pas se dire... Christophe, bon, si on ne l'interrompt pas, il va continuer une heure, oui. Hein, comme ça. Donc... Absolument. Non, mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà. Merci, mais il fallait prendre un médiateur. Quelle idée de ne pas prendre un médiateur, c'était un piège. Bah, c'est toi le médiateur. Bah, d'accord, bon, bah, je suis le médiateur de cette... Voilà, donc ça, c'était pour les adaptations de BD. Qu'est-ce que je peux rajouter dans le cas de quelqu'un, comment dire, un dessinateur qui adapterait au cinéma sa BD, est-ce que c'est la personne la mieux placée pour adapter son propre travail? Ça, c'est une question. Oui. Par exemple, Marjane Satrapi a adapté Persepolis. Personnellement, moi, je trouve que c'est une réussite. Je peux intervenir, ouais. J'en profite, j'ai le micro. En fait, Marjane, c'est aussi ses propres dessins qui sont à l'écran. Ouais. Ça n'a pas été mis en fiction, donc c'est pour ça que c'est aussi très réussi. C'est qu'elle a c'est son dessin, elle, c'est sa patte. Donc... Mais si on prend l'exemple au-delà de la BD et du cinéma, par exemple, il y a des œuvres qui sont des œuvres littéraires, qui ont été adaptées au théâtre, qui existent en opéra. Enfin, je veux dire, dès lors qu'un autre univers artistique s'empare d'une œuvre, quelle qu'elle soit, de toute façon, il le raconte avec des codes qui sont différents. Et donc, de toute façon, pour moi, c'est une réinterprétation. De la même façon que le même personnage qui va être interprété par différents comédiens, c'est ce qui est intéressant au théâtre. On va pouvoir retourner voir des mises en scène différentes qui n'auront rien à voir. Et pour rejoindre sur le personnage de Batman, bah, c'est la raison pour laquelle des personnages qui ont été adaptés par plein de gens, au bout d'un moment, rentrent un peu dans la culture... collective, et puis quelqu'un peut dire bah tiens, moi je fais une version hyper trash, une version hyper dark, une version hyper lumineuse, décalée, kitsch, etc. Donc en fait je pense que dès lors qu'on a envie de voir ce que peut projeter quelqu'un sur un autre univers que l'univers de départ, bah, il faut accepter de se dire que bah, on peut être déçu potentiellement par rapport à une sensation qu'on a eue dans le cadre d'une lecture seule. C'est comme un roman où on va s'imaginer ses propres images, etc. Et puis d'ailleurs, il y a des gens qui disent « Moi, je ne tiens pas à voir l'adaptation au cinéma de tel ou tel bouquin parce que, quelque part, je préfère garder mes propres images, mon propre imaginaire. » Donc c'est vrai que dans le cas de la bande dessinée, comme il y a des images qui sont fortes et qui ont leur propre rythme et leur propre... Il y a le découpage de l'action, etc. C'est vrai que c'est un petit peu plus complexe, peut-être parfois, de se dire « Comment se détacher d'une bande dessinée ?» Parce qu'il y a déjà, entre guillemets, on pourrait se dire « Il y a déjà le storyboard. » Donc si le cinéaste se dit bah, « je vais faire plan par plan rigoureusement les mêmes cadrages que la bande dessinée », est-ce que ça en fera forcément un film autonome? Parce que quelqu'un qui n'aura pas lu la BD va pas pouvoir se dire « ah, ils ont repris exactement le même plan, c'est génial », mais quelqu'un qui va découvrir le film bah, va-t-il se dire « c'est un excellent film ». Donc je pense que c'est là que, dans le cas de savoir si c'est important que l'auteur travaille sur son adaptation, moi je dirais que ça dépend de chaque auteur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont dire bah, « moi, je préfère au contraire m'en détacher parce que ça me stresse de participer à ça. » Et d'autres qui vont avoir une capacité à prendre du recul par rapport à leur œuvre de BD en se disant bah, « là, je mets une autre casquette, qui est une casquette d'auteur de cinéma, et qui va donc être capable de prendre du recul par rapport à la bande dessinée, ou même dans le cas d'un roman, ça marche aussi, de dire... Ah ben ça fonctionne bien dans le rythme d'un roman, mais par contre, dans un cadre d'un film, avec un plan, on va comprendre la même chose, par exemple. Et aussi, alors j'ai pas vu l'adaptation de la bande dessinée Lou de Julien Neal, mais donc Julien, donc un auteur de BD qui est passé au cinéma en adaptant sa propre bande dessinée, Moi, j'en avais parlé avec lui et il m'avait dit que ça avait été pour lui très compliqué parce que quand on est auteur de BD, on a une liberté totale. On fait exactement ce qu'on a envie de faire, dans la limite évidemment de ses capacités, mais il n'y a pas d'arbitrage. Et donc, le cinéma, c'est tout l'inverse. C'est que des contraintes et c'est que des questions. Il faut régler des problèmes à répétition sur comment rendre les costumes, les décors, les lumières, etc. Et Julien, justement, lui, il a adapté sa propre BD. À la fois, je pense que son film, encore une fois, je n'ai pas vu, est très, à la fois très fidèle, parce qu'on voit qu'il y a un souci du détail. Il a été très très loin dans l'envie de tout contrôler. Et en même temps, je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait une frustration par rapport au fait que malgré tout, c'est pas exactement ce que lui voulait faire. Et voilà, ça fait partie du jeu. Pour rejoindre et compléter ce que dit aussi bien Nicolas que Mathieu, je te fais d'accord avec Nicolas sur le fait que tout dépend effectivement de la personne de départ. Le problème se pose différemment en fonction de l'auteur qui veut s'adapter lui-même. Alors il y a une chose là-dessus qui est assez amusante, c'est que l'auteur de bande dessinée, le dessinateur, le scénariste, d'autant plus quand c'est le même, même s'il a un dessin qui est très interprété par rapport à la réalité, qui n'est pas assez réaliste, soit un dessin comme le fait Mathieu par exemple, ou comme je le fais moi, où il y a beaucoup de notions comiques, beaucoup de déformations, on peut tout lire de manière très fluide, mais on n'est pas forcément très, très réaliste. Il faut voir que nous, alors j'ai toujours pensé à ça, et j'ai vu un jour une vieille interview de Hergé qui le disait, c'est qu'en fait, nous, on ne voit pas, quand on imagine une scène, avant de la dessiner, dans l'idée de départ, on ne voit pas des personnages de bande dessinée. On voit des vrais gens. Et ensuite, on les transcrit dans notre monde. On peut le voir d'autant plus naturellement. Par exemple, quand on voit la bande dessinée de Mathieu Gérard, on voit de quoi il est parti. Et on voit qu'en fait, son style est le même que quand il dessine des histoires de fiction. Mais il a une façon de se dessiner lui-même, il a une façon de dessiner. On voit la transcription de la réalité, parce que Gérard Depardieu, tout le monde le connaît. Donc on voit ce que ça donne. Et il devient un vrai personnage. J'ai eu l'occasion de le faire aussi dans Quai d'Orsay, de transcrire des gens. Mais moi, j'imagine, quand même en dessinant des choses les plus fantaisistes possibles, qui sont les plus éloignées de la réalité possible, des personnages qui ne sont absolument pas possibles, au départ, j'entends des gens parler. Moi, par exemple, je commence souvent par les dialogues. J'entends des vraies voix, je vois des vrais gens. Donc ce qui fait que, dans ce cas-là, moi, me posant la question, si je devais adapter une de mes bandes dessinées, je ne verrais pas le problème de faire quelque chose de complètement différent de mon dessin. Justement, j'essaierais, comme au départ, c'était une incarnation dans ma tête, enfin, c'était incarné par des vrais gens, des gens que j'ai créés, mais qui sont des synthèses de plusieurs, enfin bon, c'est des situations réelles en fait, j'aurais d'autant plus de plaisir à revenir au point de départ et en faire quelque chose qui n'est, et justement ne pas utiliser d'autres moyens, d'autres pouvoirs qu'a le cinéma que ceux qu'a la bande dessinée. Voilà, ça c'est une chose, et tu disais effectivement le coup des contraintes, c'est que nous, faire un film, et c'est souvent aussi le problème de l'adaptation de la bande dessinée, c'est que nous on peut tout faire et le film, on se pose constamment la question de savoir oui mais faire ça coûte combien, surtout dans le cas de Christophe qui fait des bandes dessinées avec des pirates et des cow-boys et que des choses en costume très chères, c'est compliqué. Ah oui, cauchemar total. Donc en fait ça marche, c'est les mecs, il y a toujours des types qui disent hey, super, j'ai envie d'adapter ton truc, puis en fait ah ben non, c'est trop cher. Et à chaque fois, c'est le même cinéma, c'est qu'à le dire. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une problématique très particulière. Sur une question, déjà, on a tenu un bon moment quand même. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une question qui va surtout se poser à monsieur Nicolas Barré. C'est que votre dernier film, Le Petit Spirou, peu de temps après, moins d'un an après, est sorti l'adaptation de Spirou et Fantasio. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait des similarités dans la production ou des exigences qui étaient demandées par rapport au projet pour faire est-ce que tu as vu une sorte de Spirou Cinematic Universe ? Alors, j'ai pas vu le grand Spirou. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où, où Dupuis m'a proposé d'adapter le petit Spirou, parce qu'il se trouve qu'en fait, j'adapte aussi depuis. Enfin, j'adapte. J'ai un projet d'adapter, parce que ça y est, on s'y met vraiment. Une autre bande dessinée du même auteur qui s'appelle Soda. Et c'est parce que j'ai une bonne relation maintenant avec Philippe Thom, parce que ça fait à peu près 20 ans que j'ai envie d'adapter cette BD, que du coup, en fait, j'avais développé cette relation, que Dupuis m'avait proposé d'adapter une de ses autres bandes dessinées, donc le petit Spirou. Et en fait, il se trouve que le. Un producteur avait déjà optionné Spirou et Fantasio depuis longtemps et ça s'est réactivé à peu près au même moment que nous on lançait l'aventure, donc on s'est parlé à un moment en fait, de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse deux projets qui sont connectés, et en fait les envies étaient relativement différentes en fait, parce que c'est vrai que on s'est rendu compte qu'on partait dans des directions assez différentes. Je dirais qu'à l'arrivée, donc, les deux films, à part le terme Spirou, sont quand même assez, enfin racontent pas les mêmes histoires, c'est pas le même personnage en fait. C'est vrai que nous dans le petit Spirou, quand ils m'ont proposé de l'adapter, je connaissais quand même bien la BD, mais pas non plus tous les tomes, donc je les ai d'abord tous relus. La difficulté c'est que ce sont des histoires d'une page, à part en début de BD il y a une histoire un peu plus longue, mais il n'y avait pas d'intrigue à proprement parler, comme il peut y avoir dans 13 par exemple, ou dans des histoires où il y a déjà vraiment une structure. On peut se dire, tiens, on peut en faire une adaptation. Donc, moi, je dirais que voilà, c'était ça un peu la réponse que j'avais donnée, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve un axe d'adaptation, en disant, bah, quelque part, ce sont les personnages et certaines situations qui vont inspirer une histoire qui puisse être une histoire de cinéma. Et donc, moi, je me suis dit, bah, en fait, y a, dans le petit Spirou, comme tous les personnages sont habillés en groom, je me suis dit, à l'image des films de super-héros, comme Batman, par exemple, on en parlait tout à l'heure, chaque personnage de super-héros a toujours une problématique en lien avec son costume, souvent. Donc je me suis dit, bah là, quelque part, comme ils sont groom, on va traiter la contradiction qui est que Spirou, plus tard, ne sera pas groom. Donc ça va être comment un enfant qui est voué, parce qu'il a le costume déjà, à devenir groom plus tard, va se rendre compte que sa vocation ne sera pas celle-là, en fait. Et de traiter, quelque part, de la thématique de la vocation, et de traiter la thématique de l'héritage aussi, puisque quelque part, le costume, pour moi, représentait l'héritage un peu symbolisé de sa famille, et comment lui va être capable de faire prendre sa propre direction, sans non plus tout mettre à la poubelle, mais en faisant le tri, finalement, c'est la raison pour laquelle ce costume, en fait, qu'il découvre, qu'il n'a pas au début du film, donc ça, c'était un choix de dire, bah, on commence, en fait, il n'a pas encore ce costume de groom, parce que dans la BD, il habille en groom, parce qu'il s'appelle Spirou, mais personne ne se pose la question pourquoi il est habillé comme ça à l'école. Donc ça, dans le cas d'une BD, on peut ne pas se poser la question, mais dans le cas d'un film, on s'est dit, bah, soit on va, et pour le coup, on avait un petit peu, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était plutôt une direction de personnages pas vraiment réalistes, parce que ce sont des personnages type Gronet, avec des proportions, par exemple, les enfants, ils sont tout petits, donc ils ont des corps d'enfants de 4-5 ans, on va dire, mais avec des réflexions, notamment dans le rapport à la maîtresse et tout le côté un peu découverte des premiers ébats et machin et tout ça, qui peuvent être plutôt celles d'adolescents. Donc il y avait déjà une contradiction dans le cas d'une adaptation, de se dire, bah, on prend quel âge pour jouer les enfants. Donc évidemment, on a fait un peu un entre-deux, mais il fallait quand même trouver le bon équilibre pour se dire, bah, ils sont suffisamment enfants pour ne pas être encore dans des problématiques d'ado, et en même temps, pas non plus trop bébé, sinon ça va devenir bizarre. Donc voilà, et en fait, je me suis retrouvé confronté à des problématiques comme ça. Et aussi, bah, dans l'adaptation, de se dire, visuel, de se dire, bah, quel est le niveau de réalisme ? Parce qu'on est plutôt sur une BD qui pousserait à être très, très peu réaliste. Et moi, en même temps, j'avais une histoire, en fait, à travers cette histoire d'héritage et d'enfant qui va découvrir qu'il veut devenir aventurier plus tard, et qu'en fait, quelque part, ça devient aussi un poids de se dire qu'il va devoir rentrer dans une école de groom, qu'il va devoir un peu dire à sa mère, à son grand-père, bah, désolé les gars, mais je ne vais pas prendre la même voie que vous plus tard. Donc quelque part, son costume de groom va devenir un peu progressivement son costume d'aventurier. Donc il se le customise au fur et à mesure du film, son bermuda devient un peu baggy, il a un soute à capuche dessous, il met des baskets plutôt que des petites chaussures vernies, etc. Et moi, c'était ma façon de me dire, bah, c'est sa façon de s'approprier son histoire, son héritage, et en même temps, de trouver son chemin, quoi. Voilà. Et donc du coup, bah, pour en parler plus tard, mais en tout cas, il y avait pas mal de problématiques liées, notamment justement aux adaptations des costumes et tout ça, où là, assez vite, on pouvait soit aller vers une direction plus fake, on va dire, ou un peu plus réaliste. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question assez concrète de comment on passe de l'écriture scénaristique de la bande dessinée à l'écriture du film. J'imagine qu'il y a des similitudes. Et comment se passe en fait, cette adaptation au niveau du travail d'adaptation du scénario? Comment on utilise des... voilà, le dessin, et puis comment on passe après à l'image, même si c'est un peu pareil, mais bon, voilà. Moi, je crois que c'est justement pas... C'est un piège. Je pense que c'est un piège et que c'est justement pas tellement pareil. Alors, moi, je vais être bref, parce que dans mon cas, même si aujourd'hui, je me pose la question d'adapter une de mes bandes dessinées en série animée, donc, bah, ces questions-là, évidemment, se posent. La BD en question s'appelle Super Murgeman, et c'est des histoires un peu déjantées avec un super-héros trash. Mais le fait de transposer une matière de bande dessinée à l'écran, c'est vraiment pas évident. Je l'ai fait un tout petit peu sur une série jeunesse aussi qui s'appelle Sardines de l'espace, où là, on a pris, donc avec un des auteurs qui est Emmanuel Guibert, on a donc adapté systématiquement, c'est des épisodes, on a adapté systématiquement un épisode de la BD devient un épisode de dessin animé. Mais voilà, tout ce qui est marrant et qui marche en BD va pas forcément donner quelque chose d'intéressant à l'écran. Donc il faut trouver d'autres choses, il faut réinventer. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est pas du tout... Il n'y a rien de pré-mâché. Hein. Je pense que c'est justement un gros boulot. Enfin, tu vas nous dire comment tu l'as... Non, Nicolas, mais je trouve pas que ce soit... on se dit pas, ah bah tiens, c'est une BD, ça va être facile à adapter. Quoi. Nous, ce qu'on a fait avec le co-scénariste, c'est que d'abord, on a passé du temps à discuter... de cet axe que j'avais proposé, qui était cette thématique de l'enfant qui veut devenir aventurier. Donc on a d'abord essayé d'imaginer, en relisant toutes les bandes dessinées, on a vraiment refait des fiches de personnages, en fait, en essayant de se dire comment chacun fonctionnait et comment on voulait pousser certaines choses dans l'adaptation. Et après, voilà, on a passé du temps sans se remettre tout de suite dans la bande dessinée, en oubliant un peu, parce que en fait, c'est vrai que comme c'est des sketchs d'une page, souvent, c'est des situations, en fait. Et puis, voilà, par rapport aussi à l'âge, moi, je me disais, dans la BD, il y a aussi un double niveau de lecture pour les adultes. Tout le côté un peu fripon, tout ça. On s'est dit, ça ne peut pas être l'enjeu principal de l'histoire, parce que ça va être bizarre de se dire, tout le film, les garçons vont se dire comment voir la queue de la maîtresse, par exemple. Ça va devenir un enjeu de cinéma qui va être peut-être pas assez fort. C'est pas très MeToo, cette affaire. Donc, on s'est dit, bah, mettons un peu ça de côté. Et après, en fait, une fois qu'on avait un peu notre structure, on se relisait en fait la bande dessinée et on se disait tiens ça pourrait s'intégrer là. En fait il y avait plein de choses qui avaient mûri et par exemple il y a des choses qui sont vraiment tout petits dans la BD. Par exemple il y a une planche en fait où ils vont dans le grenier par exemple avec son copain et il y a un vieil ascenseur par exemple dans le grenier. Et bah ça c'est une idée qu'on a vachement tirée en fait. On s'est dit voilà en fait chez les Spirou tout est un peu autour de l'univers des ascenseurs, donc en fait il y a des valises partout dans la salle de bain pour se brosser les dents. Bah, en fait, c'est une valise qui sert à ouvrir le truc. Tout est un peu dans des teintes un peu cuivrées à la manière des ascenseurs et tout. Donc, en fait, ça a même découlé de décisions de direction artistique, en fait. Et après, il y a des sonorités de dialogue qu'on a reprises en retransposant dans les dialogues de cinéma pour leur faire dire des choses qui étaient importantes dans l'histoire, mais en retrouvant des choses qui étaient un peu propres à la BD, quoi. Non, si le seul truc que je voulais dire, c'est qu'à propos de l'adaptation, en fait, il n'y a pas de méthode. Vous, ça a été hyper vite. Vous êtes enfermé pendant une semaine dans un appart et c'était réglé. Oui, mais c'est parce que la bande dessinée était déjà très très bien écrite, hein. Qu'il n'y avait rien à faire derrière. C'est pas tout à fait faux en plus ce que je dis. Hein. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça avait été vachement pensé en termes de rythme. C'était effectivement pas une bande dessinée qui était très difficile à adapter en tant que telle. les problèmes ont beaucoup plus été sur la compréhension dans le temps des trucs, mais il y avait déjà suffisamment de matière. Et puis ça racontait une histoire qui était fermée et qui était liée à une réalité qu'on pouvait tout de suite identifier. Donc il y avait, même si la bande dessinée avait un caractère, une façon de narration qui était très bande dessinée et qui était très particulière, le fond de l'affaire... Finalement, la BD est déjà une adaptation d'un épisode de la vraie histoire. Voilà. Donc en fait, ça donne une... Le passage, ça donne un passage au film qui facilite les choses. C'est-à-dire qu'on peut voir ce que c'est. Les décors existent, des vrais décors, les gens existent. Après, sur la transcription, la plupart des gags... Il y avait énormément de gags qui étaient beaucoup des gags de dialogue. Il y avait beaucoup d'humour sur les dialogues. Donc, et c'était des dialogues qui se transcrivaient bien dans la... Il y a des dialogues de la BD qui sont dans le film. Quasiment textuellement, ouais. Ouais. Quasiment textuellement. Et il y a même des scènes qui ont été découpées. Bertrand s'est amusé à découper une scène... quasiment comme la... il y a un chapitre qui est quasiment découpé comme dans la bande dessinée. Il était très content d'avoir fait les mêmes... C'est dans une salle de réunion, donc c'était très exigu, et il a fait les mêmes choix. Il était content, il a voulu me le montrer. Mais ce qu'on peut dire, finalement, c'est qu'il y a autant d'exemples que d'albums. Ça peut être très facile, comme ça peut être un enfer. Voilà, parce qu'en fait, le truc qui fait comprendre le passage d'un support à un autre... d'un mode d'expression à un autre, c'est que, par exemple, cet exemple tout bête mais très simple fait tout à fait comprendre ce qui fonctionne en BD, ce qui ne fonctionne pas au cinéma ou vice-versa. C'est que dans une BD, vous pouvez pas, dans une bande dessinée, dans un livre aussi que vous lisez, vous ne pouvez pas faire peur. Ce n'est pas possible. Vous pouvez créer un climat, mais vous ne pouvez pas faire sursauter quelqu'un sur son... Si vous faites un type qui donne un... bon coup de sathon dans une porte et qui ouvre la porte comme ça avec un fusil à canoncier et qui tire, vous voyez ça au cinéma, dans une bande dessinée, un mec qui fait ça, ça marche pas, l'action n'est pas, il n'y a pas de possibilité de violence, il n'y a pas de possibilité d'immédiateté. Je suis pas d'accord, c'est pas exactement pareil, mais en effet tu vas pas... Tu peux pas voilà. Créer... Tu crées le désir de tourner la page pour savoir ce qui va se passer. Oui, mais ça c'est pas pareil, c'est-à-dire que ça tu le fais à travers un climat, tu peux pas créer un climat de terreur ou d'émotion immédiate. La bande dessinée fonctionne avec une forme de connivence avec le lecteur, consciente ou inconsciente, qui fait qu'il admet le code. Il peut y avoir aussi, on peut jouer aussi sur des principes de connivence avec le cinéma, et avoir un cinéma qui est plus littéraire, enfin, je ne sais pas. Mais c'est quand même beaucoup moins immédiat. À partir du moment où on a ça, d'ailleurs, ça pose un problème à pas mal de dessinateurs de bande dessinée qui croient faire du cinéma alors que ça ne fonctionne pas du tout. Vous pouvez avoir une scène muette dans un film, prenez du Melville, les mecs, ou Jules Dassin dans Durifi chez les hommes, il y a une scène de casse où les mecs ne disent pas un mot pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ils sont en train de percer un coffre. Et la scène est passionnante. Vous faites ça en bande dessinée, ça ne marche pas. Là, quand les pages sont... Une très bonne BD muette. Oui, je suis là pour le contradicteur. Oui. Oui, mais c'est un petit peu de la merde, c'est ça, non, le problème. Si. Bah non, il y a des très très bonnes BD muettes. Vous n'allez pas vous engueuler, les gars. Il se fout de ma gueule. Non, mais Christophe, il a une manière d'affirmer des choses comme ça. Mais non, mais c'est parce que ça simplifie, content, hein, sinon on rentre trop dans le détail. La BD muette, c'est de la merde. Bon, c'est rigolo, mais pas si vous faites ça, c'est un concept, mais c'est autre chose. Bon, bref, c'est pas, dans la narration, c'est pas... Il y a un problème, c'est qu'on glisse trop vite quand c'est muet. C'est-à-dire que c'est un problème, il y a une tentation... Voilà. Mais ça, c'est des problèmes fondamentaux de transcription. C'est-à-dire que le temps ne se transcrit pas de la même façon. Parfois, oui. Parfois, en mettant un carton, d'avoir des choses très brutales comme ça en cinéma, ça fonctionne. Les mêmes processus. On met comme un texte off 10 ans plus tard. Ça peut marcher pour des effets comiques ou pas. Ça peut très bien marcher au cinéma. On peut avoir des trucs comme ça. Un cut brutal... en bande dessinée, d'une case à l'autre, ça fonctionne pas forcément très bien, on comprend pas, alors qu'un cut brutal au cinéma, où on est tout à fait dans deux situations différentes et l'image se coupe, on passe à autre chose, ça peut très bien fonctionner, ça peut dans la narration être très bien compris, ça peut créer l'effet de surprise ou de tout ce qu'on veut qui est voulu. Donc vraiment c'est sur ces choses-là que la transcription est difficile. Après, ce qui compte, c'est le cœur de l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on, quel est le, en fait, c'est un prétexte. Finalement, le cinéma, c'est un vampire. C'est un vampire qui a besoin en permanence de sang, c'est-à-dire d'histoire. Il a tout le temps besoin d'histoire, d'histoire, d'histoire. Donc, on tourne plus de films qu'on est capable, parce qu'écrire des histoires, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est le truc le plus horrible. Enfin, je sais pas, écrire un scénario, c'est horrible. Hein, c'est là qu'on se... On ne sait pas pourquoi on fait ça, parce que franchement, c'est du masochisme terrible. Il y a des moments d'exaltation, mais c'est quand même hyper relou à faire. Et c'est là qu'on a les pires moments de doute. On se dit, je raconte des conneries, enfin, c'est ridicule, pourquoi je fais ce projet? Et donc, c'est le plus difficile. Donc, le cinéma, il y a plus de films qui se tournent qu'il y a d'histoires qui s'écrivent pour le cinéma. Donc, le cinéma a besoin d'aller chercher partout. Il y a un monsieur qui dort là-bas, donc... On va passer le... Mais justement, je l'aide à faire une bonne sieste, je lui fais un petit ronron comme ça. Alors, voilà. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonjour. Une question pour Mathieu et Christophe. En fait, comment s'est déroulé le passage vers le cinéma? C'est-à-dire, est-ce que l'envie vient de vous-même, d'un producteur, de votre éditeur? Est-ce que vous avez exigé de faire partie de l'écriture? Est-ce que spontanément un co-scénariste est venu ou vous l'avez demandé d'être accompagné? Donc un peu en fait voilà l'envers du décor aussi. Est-ce que dès le départ le fait que ce soit de la prise de vue réelle ou du dessin était clairement défini, il n'y avait pas à discuter? Donc voilà un peu tout cet envers du décor. Et ce qui va avec en fait, comment vous l'avez vécu, notamment pour les éventuels rapports de force dans certains choix un peu délicats. Voilà, en gros, un peu comment tout cela s'est passé pour vous dans cette expérience qui était quand même, a priori, un peu nouvelle. Alors, il faut préciser que Christophe et moi, donc, on travaille dans un même atelier depuis de nombreuses années, depuis plus de 15 ans. Et dans une première formation de cet atelier, il y avait Riyad Satouf et Johan Sfar. Et donc, on a travaillé longtemps tous les quatre. Et notamment au moment où Riyad et Johan ont commencé à travailler sur des projets cinématographiques. Alors, pour mémoire, il y a eu un moment comme ça où tout d'un coup, des auteurs de bande dessinée ont été. On leur a proposé de passer au cinéma. Je pense. Je dirais qu'il y en a eu par le passé, hein, avec Bilal, avec Lozier, mais là, dans cette génération-là, je dirais que Persepolis, c'était un peu un premier un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a eu Marjane Satrapi avec Persepolis, il y a eu Riyad qui a fait Les Beaux Gosses, et aussi Pascal Rabaté, Les Petits Ruisseaux. Ça, c'était sorti quasiment la même année. Et je ne sais pas si il y a un effet, mais je pense que oui. En tout cas, ça correspond aussi à un moment où les producteurs se sont mis à s'intéresser beaucoup à la bande dessinée, soit pour adapter des albums, hein, directement, soit pour proposer à des auteurs de passer au cinéma. Et aujourd'hui, il y a énormément de bandes dessinées qui sont optionnées. C'est très très courant. Ça ne veut pas dire que ça va donner lieu à des adaptations, mais en tout cas, il y a une envie, il y a une démarche. Et voilà, c'est juste pour situer de manière générale, il y a vraiment un climat qui est beaucoup plus favorable, beaucoup plus ouvert à la BD que ça n'était le cas il y a 15 ans. Et voilà. Et donc nous, on a vu nos copains faire du cinéma. Ils n'en faisaient pas du tout auparavant. Ni Riyad ni Johan n'avaient manifesté ou fait des tentatives. Ça s'est vraiment fait parce que c'est des producteurs qui sont venus, dans un premier temps, plutôt s'intéresser à leur travail, à leur production, pour en faire une adaptation. Et ça a donné lieu à des échanges au cours desquels eux-mêmes ont dit moi je veux bien, j'aimerais bien essayer de réaliser. Et pour mon cas, c'est un peu ce qui s'est produit. Il y a un producteur qui était intéressé pour adapter la bande dessinée dont je parlais tout à l'heure, Super Murgeman. Au départ, il voulait donc adapter l'album. Il m'a proposé de participer à l'écriture. Et peu à peu, on s'est mis dans l'idée que pourquoi pas, je pourrais essayer de réaliser. Bon, le truc, c'est pas fait, mais ça a déclenché quand même une envie, un déclic. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est produit. Et donc pour le film qui est sorti l'année dernière, mon premier long qui s'appelle Le Poulain, c'est là des producteurs pyramides qui sont venus me trouver. Ils avaient aimé des bandes dessinées plus politiques que j'avais pu faire. et m'ont proposé d'emblée, est-ce que ça t'intéresserait, un, d'écrire et deux, de réaliser. Donc moi j'ai dit ok, en me disant bon, de toute façon ça se fera pas, donc on verra bien. Mais pour moi c'était clair d'emblée que je me sentais pas d'écrire seul pour le cinéma, parce que c'est, comme tu l'as dit, très compliqué. La bande dessinée, c'est déjà compliqué à écrire, mais il n'y a pas les mêmes pressions, on est plus avec soi-même. Le cinéma, moi je savais que j'avais pas envie, et que je n'étais pas capable d'écrire pour le cinéma seul, donc c'est Pyramide qui m'ont présenté le scénariste qui a travaillé avec moi, qui s'appelle Noé Debré, et ça a très bien marché. On s'est vraiment très bien entendu, et c'était formidable comme expérience d'écriture, parce qu'il y avait une grande... pour moi, c'était vraiment un enrichissement de c'était un vrai ping-pong. Donc ça, c'était... Mais c'est pas évident, je pense que c'est toujours compliqué, ces questions-là, de... Si on connaît pas bien la personne, se dire bah tiens on va écrire à deux, ça peut être plus compliqué, mais là ça s'est bien passé. Voilà. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos du cinéma qui était un vampire. Généralement c'est des volontés de producteurs, et notamment dans notre cas quand on est dessinateur de bande dessinée, et le passage ensuite à l'écriture et ou la réalisation. Il y a un phénomène douloureux à cause de ce que disait Mathieu, parce que tout à l'heure, parce que nous, on est habitué à... en plus, on a de la chance, on fait des bandes dessinées sur lesquelles on a pu tellement de choses à prouver vis-à-vis de nos éditeurs. C'est-à-dire, quand on a un projet, on appelle l'éditeur, on dit « Tiens, je vais faire ça ». Ok, il ne veut même pas voir de page, il est d'accord. Ce qui est une situation de luxe incroyable. Et on est habitué à ça. Donc les problèmes qu'on a, généralement, c'est des luttes contre nous-mêmes, parce que la difficulté du travail, etc. Dans le cinéma, on est constamment obligé de convaincre. Et on est obligé d'avoir un enthousiasme. Et puis ça retombe. Et puis, pour prendre une image un peu triviale, il faut être capable de bander à long terme, alors que on fait tout le temps ça se fait plus, on y va, c'est un enfer permanent. Et en même temps, le cinéma, c'est un miroir aux alouettes, hein, c'est un truc qui vous capte, parce que il y a un pouvoir artistique, parce que c'est un art total, hein. Il y a tout, hein. Il y a la musique, il y a du son, on met tout dans le cinéma. C'est un pouvoir hypnotique qui est inégalable, c'est un pouvoir financier, c'est un pouvoir de reconnaissance qui est tout à fait... Généralement, les gens ne refusent pas une adaptation. Donc le cinéma est voilà. Mais c'est un truc dans lequel on n'est pas libre. Moi, c'est pareil, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Enfin, ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'on a eu beaucoup de propositions pour Quai d'Orsay. Quand vous faites maintenant une bande dessinée qui marche, c'est évident qu'il y a une adaptation qui va être proposée, parce que Cinéma Vampire se précipite dessus. Ce qui est très bien, tant mieux, mais dès qu'ils sont tout le temps en train de renifler quelque chose qui marche, une bande dessinée, ça, visuel, on se dit l'histoire a fonctionné auprès de beaucoup de lecteurs, ça a intéressé des gens, c'est, visuellement ça se tient. On en fait un film, parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel de succès derrière, c'est un truc qui est suffisamment fort pour tenir un film derrière. Voilà. Donc nous, sur Quai d'Orsay, ça a été un best-seller, donc on a eu trois propositions, qui étaient soit de réaliser le film nous-mêmes, alors comme on était un monstre à deux têtes, ça n'était pas possible de savoir lequel le faisait. Puis il y a une des deux têtes qui voulait pas se montrer parce qu'elle était diplomate à l'époque, et puis on s'est pris la tête tous les deux, on a fait bon, ok, c'est vraiment. Il y a une autre proposition qui était. Il faut préciser que la tête en question a fait un film depuis. A fait un film depuis, ouais. Mais le champ du loup. Cinéaste. Ouais, Antonin est devenu cinéaste. On a eu une proposition pour être des showrunners d'une mini-série, je ne sais pas combien d'épisodes, une dizaine d'épisodes, et la proposition de Bertrand. Ça aurait été une mini-série aussi. Trop relou à tenir. Puis on n'avait pas l'expérience. Bertrand, c'était formidable parce que non seulement il voulait travailler d'emblée avec nous, Que c'est un camarade de travail extraordinaire, parce que c'est un type, il déconne tout le temps, il vous offre du chocolat, il veut tout le temps bouffer, il veut tout le temps rigoler. Il a quelques anecdotes à raconter aussi. Mais tout le temps, mais c'est super. Mais travailler avec lui, c'est vraiment génial. Moi, j'avais fait de la régie sur un de ses films, il racontait des trucs à tous les dîners. Non, mais il est super. Mais on s'emmerde jamais. On Christophe bosse. L'imite très bien. Hein, je sais pas si vous voulez une imitation de Bertrand Tavernier, mais non. Allez, si, allez. Non, putain, je vais pas vous faire Bertrand Tavernier. Il faut que je me chauffe un peu. Non, bref, je continue mon histoire. Non, parce que si je la rate, je vais être malheureux. Et là, il vous dit. Déjà, il commence par faire. Il fait toujours un. C'est vrai ? Il fait un. C'est vrai ? Un. Non. Voilà, c'était une mini imitation. Ah, bah d'accord. Non, peut-être tout à l'heure, ça me viendra. Non, mais. C'est un gros bosseur. C'est un très très gros bosseur. Et on a appris plein de choses avec lui, effectivement. Et on a eu, ça a donné l'expérience de voir ce que les décisions qu'on prenait sur une table, qu'est-ce qu'elles allaient donner à l'écran. Et lui, il expliquait aussi des contraintes. On disait, non, ça, on ne peut pas le raconter, on ne va pas le raconter comme ça, parce que c'est une complication au tournage qui est inutile, ou qui va être trop cher, ou qui n'a pas. Donc il faut quand même s'économiser, même si Bertrand, lui, avait la possibilité d'avoir un certain budget. C'est quand même pas des budgets. C'était un bon budget, mais c'était pas non plus des trucs. C'était pas non plus un blockbuster. Et puis toute la difficulté de choisir les acteurs qui disent oui, qui disent non, qui sont d'accord, que ça se monte, si c'est un nom qui est comme ci, qui est comme ça, tout ce bordel du cinéma. On n'avait pas à le porter, on l'a vu, on en a été témoin, on a eu d'excellents rapports avec les acteurs, on était sur le tournage, ce qui est très rare, parce que généralement quand on est scénariste, on ne va pas dans les pattes du metteur en scène, parce que ça le fait chier. Lui au contraire, il était là, mais venez sur le tournage. Alors, voilà. Et donc on venait sur le tournage, et c'était une expérience, on a eu une expérience de chaud, cinéma formidable. C'était formidable. Moi je fais le trajet un peu inverse de vous, puisque en fait je viens à la BD. J'ai un projet depuis longtemps de faire, j'avais un projet de série d'animation qui s'appelle Le Monde des Cancres, et que j'ai pas réussi à monter il y a quelques années. Du coup je me suis rapproché de Dupuis avec l'histoire du petit Spirou et de Soda et tout ça. Et du coup je leur ai proposé qu'on fasse une BD de ce projet là en vue d'après en faire une série d'anime, et donc là on a signé pour déjà 3 tomes. Et donc je travaille avec une scénariste de BD qui s'appelle Carbone. Mais tu dessines? Non, et on a pris une dessinatrice. Mais par contre j'ai fait tout le travail du développement de l'univers et faire des recherches visuelles et on en a parlé beaucoup ensemble. Et en fait c'est très intéressant, parce que c'est en même temps, moi parfois je me projette dans ce que pourrait être une séquence en mise en scène visuelle, mais en même temps j'apprends aussi le code de la BD que je n'avais pas travaillé plus que ça, à part en lire. Et du coup, c'est très intéressant de faire le trajet inverse, en fait. Mais il faut aussi préciser une chose, parce que là, on parle de ça depuis tout à l'heure, c'est qu'en France, en Belgique, en Suisse, on est dans une situation d'exception. On est dans un pays, si j'inclus donc la Belgique et la Suisse, complètement anormal par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. La bande dessinée, c'est quelque chose de complètement local. Donc on va avoir aux États-Unis les comics, mais c'est très spécifique, c'est vraiment un type de BD très codifié. Il y a quelques grands auteurs formidables américains et canadiens qui vont faire des BD d'auteurs, mais avec des audiences, finalement ils vendent presque autant de livres ici qu'aux États-Unis. Et on a le Japon, bien entendu, avec le manga qui est un marché énorme. Et on en lit quasiment autant qu'eux, voire presque plus. Mais en France, on a un marché, un contexte complètement que vous ne retrouverez pas ailleurs, avec une offre, une variété qui est sans équivalent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de graphistes qui sortent de grandes écoles, comme les Gobelins, tout ça, qui sont souvent recrutés pour aller travailler sur des films d'anime à l'étranger, parce qu'ils ont une culture visuelle qui a été vraiment mélangée entre la BD franco-belge, les comics américains et tous les mangas japonais. Et ce qui fait que tout ça a été intégré, digéré, et que tous les graphistes souvent ont cette culture beaucoup plus large que certains graphistes américains qui ont vraiment mangé du Disney, mais pas forcément du manga. Et on est dans un pays où il y a des bandes dessinées qui vont être parmi les meilleures ventes de livres, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des pays. Et aujourd'hui, ici, un très gros succès, on va dire 100 000 exemplaires, c'est énorme, mais en Allemagne, par exemple, ça va être le même pour la même comment dire, échelle, c'est 10 000 exemplaires pour une BD. Donc c'est vraiment, faut vraiment avoir ça à l'esprit, se dire qu'on est dans une espèce de situation d'exception, j'espère que ça va durer, mais c'est très particulier. Oui, pour compléter ce que vous disiez tous les deux, c'est qu'effectivement, ce qui s'est passé, alors d'une part, pour ce que tu disais toi, il y a une culture qui fait qu'effectivement, des dessinateurs français vont être connus dans des milieux professionnels américains ou japonais, parce qu'ils recherchent des propositions visuelles fortes et qui sont beaucoup cultivées ici. Alors, absolument aucune reconnaissance publique. Mais par exemple, il y a beaucoup de seniors animateurs ou animateurs, je ne sais pas quoi, ou qui connaissent... J'avais été une fois invité chez Pixar et en fait, les mecs, ils connaissaient Johan, ils me connaissent moi... Alors qu'on n'a aucune reconnaissance aux États-Unis. Enfin, je publiais des bouquins là-bas, ça s'est vendu à 800 exemplaires. Et les types, en fait, ils connaissaient parce qu'ils cherchaient, ils cherchent parmi. Il y a un vivier qui est très, très important. Et pour la reconnaissance de la bande dessinée, il y a eu un retour. Comme disait Mathieu, il y a 15 ans, la bande dessinée a été couverte d'un lustre nouveau vis-à-vis du cinéma. On a vu qu'on pouvait adapter des choses. Alors, pour enfants, ce qui semble plus naturel, parce que ça vient de la bande dessinée au départ, était pour les enfants et même pour les petits garçons, essentiellement à l'origine. Donc, des adaptations comme le petit Spirou, le passage au cinéma est assez naturel, mais aussi parce qu'il y a eu la bande dessinée adulte, c'est de plus en plus développé. Et il y a eu un effet retour, c'est-à-dire que ça a fait des bandes dessinées qui ont marché ou des auteurs de bandes dessinées qui ont été appelés par le cinéma, et ça a marché au cinéma, ça a donné un lustre nouveau pour la bande dessinée. Et on se rend compte que, comme le chemin que tu fais toi en allant vers la bande dessinée, le cinéma qui était avant la chose la plus, j'allais dire, la plus prestigieuse, en fait, ça a redonné un lustre à la bande dessinée parce qu'on a découvert que la bande dessinée, ça pouvait marcher aussi et parce qu'on avait une beaucoup plus grande liberté. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait des projets qui ne se développent pas, que ce soit en littérature ou en cinéma. Et ensuite, les auteurs se disent « Ah bah tiens, pourquoi on n'en ferait pas une bande dessinée ?» C'est un phénomène qu'on observe. Mathieu et moi, on l'observe assez souvent, on entend parler assez souvent. Et il y a une espèce de retour de pouvoir d'attraction de la bande dessinée qui est passé à un moment par le cinéma. Il faut dire aussi maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui ont intégré ça. Toi, tu parlais donc d'une BD sur laquelle tu travailles, mais tu as déjà en tête l'adaptation en animation. Et c'est vrai que maintenant, les éditeurs sont beaucoup dans cette démarche-là, un peu pour lutter contre l'hégémonie américaine aussi, mais créer des licences. C'est-à-dire du coup, on l'intègre aussi dans le style graphique de la BD. C'est-à-dire que la dessinatrice, elle-même fait de l'anime, me dit, tu vois, là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que ça, en anime, ça peut bien fonctionner. Mais réfléchir en amont à ce que une même licence, je ne sais pas comment dire, un même projet, et plusieurs destinations, destination papier, audiovisuel et d'autres produits dérivés. Et actuellement, moi, je travaille aussi avec une boîte de réalité virtuelle qui fait de la réalité augmentée. Et c'est assez intéressant parce qu'on réfléchit aussi à des supports différents, finalement, pour développer l'univers. Et en fait, donc c'est une boîte au Canada qui s'appelle Félix et Paul. Et donc, on développe un projet qui se passe sous l'eau, dans le futur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé une technologie avec une marque de lunettes de réalité augmentée qui s'appelle Magic Leap. Et le principe, en fait, c'est que c'est par rapport à un casque de VR où on voit pas autour de nous, on est dans une sorte de salle de cinéma personnelle. La réalité augmentée, c'est comme des lunettes où on voit en transparence avec des choses qui apparaissent en plus. Et là, par exemple... Terminator ? Comment ? Comme Terminator ? Un peu comme Terminator, si tu avais fait les Google Glass, tu vois, sauf que c'est un peu plus travaillé. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de développer un principe de livre. Donc, on achètera un support cartonné qui fait 14 pages. Sauf qu'en fait, quand on ouvre les pages, il n'y a rien dedans. Et en fait, le principe, c'est qu'en mettant les lunettes de réalité augmentée, en ouvrant le livre, il y aura, par exemple, un pop-up qui se déplie en réalité augmentée. Et donc ça raconte une histoire, en fait, ça peut être une BD, animée, ça peut être... Et donc c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de format intermédiaire où on aura vraiment le toucher réel. Dans le cas de ce qu'ils développent, ils le font avec Jim Henson, c'est un univers de Jim Henson. Quand on ouvre, par exemple, il y a des arbres, et si on secoue le livre, par exemple, les arbres, ils bougent, les feuilles tombent. Et ça, c'est la personne qui est à côté et qui n'a pas les lunettes ne verra rien. Il y verra juste un bouquin vide. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que justement, on réfléchit à se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à une histoire qu'on développe en série et en même temps qu'on en fasse aussi soit une BD augmentée, c'est-à-dire que bah, vous avez la BD, mais si vous avez le casque de VR, il y a certaines vignettes où il va y avoir un développement de la vignette en virtuel. Soit carrément un bouquin comme ça, type pop-up, qui raconte une histoire avec une voix off et tout, et on utilise la musique qui a été composée, etc. C'est assez intéressant, je trouve. Alors, question. Je suis contente que vous soyez là. Je veux rebondir à ce que vous avez dit avant, Christophe. C'est-à-dire, si je comprends bien, autrement dit, on n'a pas de médiatrice, c'est pour ça. La force d'une adaptation de la bande dessinée au cinéma réside dans la narration, c'est-à-dire dans la force de raconter une histoire de A à Z. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être je vais ouvrir une fausse polémique, mais par exemple, il y a des films, des comédies chorales comme ça, où il y a une histoire après l'autre. Et peut-être votre force, c'est aussi d'être un peu, de se permettre des choses un peu hybrides ou différentes. Par exemple, c'est-à-dire, si je comprends bien ce que vous avez dit, par exemple, moins qu'hier, plus que demain, ça, par exemple, adapté au cinéma, ça n'a aucun intérêt. Personne ne voudrait l'adapter. Fab Caro. C'est une BD de Fab Caro. Il connaît pas. Il lit pas de bande dessinée, hein, Christophe. Okay, non, je lui posais des questions. La bande dessinée ne m'intéresse absolument pas. Je ne lis que celle de Mathieu sur sa table. Et il connaît pas les auteurs de non, BD. Non, j'ai aucun compte. Mais là, j'ai l'air de dire une connerie, mais c'est par le cinéma. J'ai une deuxième question avant parce que je vais vous laisser parler. Aussi, j'ai une question par curiosité. Qu'est-ce que vous, un peu hors cadre, qu'est-ce que vous avez pensé de Natural Born Killers de Oliver Stone quand le film est apparu la première fois, donc aussi une forme hybride, mais c'est une question à tous les trois. Je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas très très bien de ce film. Moi, je l'ai vu au cinéma, ou de Vosges à Dijon. Il y a longtemps. Ah oui, à Dijon. Parle-nous un peu de Dijon. Non, alors qu'est-ce qu'on disait ? Oui, dans le cas de... Alors, c'est, par exemple, si vous parlez de Fab Caro, je sais un peu ce que c'est. Excusez-moi, je suis obligé de porter des lunettes parce que, en fait... C'est Jacques Audiard qui est avec nous. C'est mes lunettes de vue, donc soit je vous vois flou et lumineux, soit je vous vois sombre et net. Moi aussi, hein, je peux. Et, parce que je vois que dalle, sinon. Oui, Fab Caro, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment... Il joue avec le principe même de la bande dessinée, avec le... Il détourne le principe de la bande dessinée et de faire des images figées qui sont parfois en contradiction avec ce qu'il y a dans la bulle. Donc, si on voulait faire des choses, le transcrire en cinéma, là, pour le coup, ça demanderait... On arriverait à transcrire l'absurdité de son esprit d'une autre façon, mais on ne pourrait pas avoir strictement les mêmes textes. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais... Le duo qui fait message à caractère oui c'est un peu oui c'est pas officiel, c'est pas faux, c'est un peu dans cette démarche ou la classe américaine où les personnages pense, disent n'importe c'est quoi, du travail mais je pense que c'est ça... oui mais ça peut enfin oui de oui, toute façon des producteurs y ont certainement pensé, ça c'est sûr. Ah bah dès que ça a du succès ils se disent qu'est-ce qu'on je pense qu'en ce moment où on est en train de parler il y a des gens qui sont en train de se demander comment ils vont adapter Fab Caro, ça c'est sûr. Oui, c'est évident. Oui, parce que ça attire. Mais c'est... peut-être plutôt en anime. Ouais. Peut-être. C'est votre projet, peut-être. Non oui, absolument. Ah, bah voilà. non, mais c'est. Enfin, en fait, tout est adaptable. Oui, ce qui compte, c'est l'histoire. C'est d'avoir une histoire, et puis il faut être fasciné par l'histoire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout dépend. Celui qui veut l'adapter, quelle est la volonté artistique de celui qui veut l'adapter, s'il s'adapte lui-même, si c'est quelqu'un d'autre, à quel moment il va y mettre ses obsessions. S'il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas d'originalité de la vision, c'est malgré soi. Il faut que ça soit, faut qu'on ait des choses qu'on veuille absolument voir. Moi j'ai une autre question, c'est est-ce qu'il y a récemment, dans les 15 dernières années, des films qui ont éclipsé la BD d'origine ? Par exemple, si on pense à Shining, énormément de gens connaissent le livre, Mais quand même, quand on parle de Shining, on pense d'abord au film de Stephen King, de Kubrick. Stephen King est tellement une star. Non, il n'est pas tellement... Mais justement... Tu vois ce que je veux dire. L'exemple de Stanley Kubrick est bon, que tu donnes. Parce que Stanley Kubrick, la façon qu'il avait de s'approprier pour en faire des objets de cinéma... qui faisait d'ailleurs qu'il se fâchait systématiquement avec les auteurs, sauf peut-être sur Ange Mécanique, je crois qu'il ne s'est pas fâché avec... je me rappelle plus. Juste mis un coup de boule. Oui, non, mais il s'est fâché avec Nabokov, il s'est fâché, parce que c'était des personnalités très fortes et qui étaient déjà des stars, et Stephen King n'aime pas du tout l'adaptation, il pense que ce n'est pas compris. Mais et puis non mais oui donc la question c'est plutôt est-ce que tu vois un film tiré d'une BD qui éclipserait la BD? La vie d'Adèle, bonne réponse. Moi, j'allais dire. Ouais, très bonne réponse. J'ai pensé, mais pas si, si. Peut-être. Si, en effet. Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'était un succès. Qui est adapté donc, d'une bande dessinée de Julie Marot, Le bleu est une couleur chaude, paru chez Glénat. Et en effet, La vie d'Adèle, oui. Et Watchmen, c'est Caroline Sentière de l'Harpe. Watchmen. Ouais. Watchmen. Non, vous pensez pas ça. Non. Après, Watchmen, c'est une bande dessinée. Qui parle, je vois pas. C'est moi. Watchmen. Alors moi, pour moi, ça reste une BD mythique. Donc, j'ai vu le film, mais je m'en rappelle à peine. Ah ouais. Mais pardon. Oui. Oui. Moi, je dirais que Watchmen, c'est comme Astérix ou Batman, c'est que ça restera toujours un. Ça restera toujours une bande dessinée et que les films, quel que soit le succès qu'ils ont eu, seront des extensions. Et généralement, c'est le cas quand la bande dessinée est très très forte. Alors, La vie d'Adèle, c'est différent parce que c'est un témoignage, c'est une bande dessinée autobiographique qui n'était pas prévue pour avoir beaucoup de succès au départ et qui a eu un succès totalement inattendu. La BD a eu beaucoup de succès. Oui, elle a eu un premier succès. Elle a eu un très beau succès. Mais c'est vrai que le film... Voilà. Moi, j'avais une question plus pour Nicolas Barry, mais par extension aussi pour vous, au niveau de l'adaptation de Soda, parce que c'est une bande dessinée moi que je suis depuis que je suis tout petit, et du coup, pareil, je l'imagine en film comme vous êtes en train de travailler dessus, et je me dis, c'est justement par quel angle vous allez prendre une bande dessinée comme celle-ci, dans le sens où bon, ça se passe à New York, c'est un gros polar très musclé, et que sur pas mal d'adaptations, moi je trouve, notamment des adaptations de bandes dessinées françaises, on prend le pli de se dire « Ah là, il va y avoir besoin de trop de moyens, donc on va faire un truc très comique. » Ce qui a été le cas avec Spirou, ce qui est le cas avec Lucky Luke, ce qui donne un petit peu, ce qui fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous l'avez dit catégoriquement, c'est de la merde, c'était votre point de vue. Sur certains projets, je le partage, dans le sens surtout, dans le manque d'ambition, de se dire « Bon, bah, vu qu'on ne va pas réussir à faire un truc... une œuvre cinématographique à part entière, ben on va faire une adaptation un peu rigolote de quelque chose qui aurait pu être un beau film. Et donc, du coup, autant je viens vers vous par rapport à Soda, mais par rapport aux autres adaptations, de se dire, justement, est-ce que c'est au niveau de la prod, est-ce que c'est au niveau du réal, qu'on se bride peut-être pour faire des adaptations qui sont pour moi pas des œuvres cinématographiques à part entière. Là où, par exemple, Tintin avec Spielberg, on voit qu'il y a un vrai enjeu dramatique, des personnages bien, bien travaillés. Là où on n'arrive pas à le faire avec Lucky Luke, Spirou, qui aurait pu être un Indiana Jones de chez nous. Quoi. Voilà. D'abord, Soda n'a pas le lien avec la série avec Kev Adams sur M6, pour ceux qui connaissent pas la série. Donc en fait, il y a plusieurs sujets. En fait, d'abord, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté réaliste ou pas, dans la série des BD Soda, il y a eu 13 tomes. Le 14e tome est en train de se finir en Australie actuellement, parce que l'auteur et le dessinateur sont partis finir ça là-bas. Et en fait, il y a eu une évolution du dessin, parce qu'en fait, il y a eu des changements de dessinateurs. Il y a eu 3 dessinateurs qui ont travaillé sur Soda. Et donc, le premier a fait les 2 premiers tomes, et c'était un personnage qui était plutôt plus petite taille, avec un gros flingue, donc qui était un peu plus toon, quoi. Et le trait a évolué vers un personnage plus dans des proportions plus réalistes, et un univers qui est devenu plus sombre, on va dire. Ça va aussi avec l'état d'esprit de l'auteur, avec son rapport à New York, parce que comme il y a peut-être eu... On peut juste pitcher pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est en fait un flic qui mène une double vie à New York, qui vit avec sa mère. Il lui a jamais dit qu'il était flic, parce que son père aussi était policier, il est mort en service. Et donc la mère, qui est cardiaque, a toujours eu peur en fait que son père meure. Et quand ça arrive, lui n'a pas cœur de lui dire qu'il est devenu aussi policier comme son père. Donc en fait, quand elle vient vivre avec lui à New York, il s'empêtrait dans une histoire de double vie, et en fait, elle pense qu'il est prêtre. Voilà. Donc, Donc typiquement, donc, le pitch de départ est plutôt fun, on va dire. Comparablement d'ailleurs, quand on reprend Batman, au côté le mec est sapé en chauve-souris, c'est quand même décalé. Et l'idée était plutôt de se dire, pendant longtemps, je l'ai développé. Donc j'ai fait d'abord un court-métrage quand j'avais 16-17 ans, sans avoir les droits. Ce qui a été une des choses qui m'a permis de convaincre l'auteur quelques années plus tard, parce qu'il a vu que j'étais super motivé déjà depuis longtemps. Il ne voulait pas forcément au départ, et puis finalement, je l'ai convaincu. Ensuite, l'option, moi, je l'ai commencé à l'avoir il y a 10 ans, à l'époque où je faisais Temple Back, mon premier film. Et donc, moi, l'objectif, c'était de faire un film en langue anglaise, à New York ou au Canada éventuellement, parce qu'il y a pas mal de films censés se passer à New York qui se tournent au Canada, à Toronto ou parfois Montréal, pour des histoires de coproduction et de facilité de tournage. Et voilà, j'ai développé donc un projet en anglais de cinéma. Il se trouve que ça a été très compliqué de trouver comment le financer depuis la France, puisqu'en fait, des expériences de films français tournés en anglais aux États-Unis, il y en a assez peu qui ont marché. Il y a Luc Besson, par exemple, avec Léon, mais le personnage principal est un personnage européen, joué par un comédien français. Donc, se poser la problématique de... soit c'est vraiment un film américain, puisque d'ailleurs la BD avait été approchée souvent par des studios américains, et à l'époque Philippe Thom refusait de céder l'option. Donc soit ça devient vraiment un film de studio américain, ce qui à un moment failli être le cas, parce que moi j'avais un manager aux États-Unis, un agent américain, et il disait on en fait un film de studio américain. Bon, alors c'est une BD française, il y a un réal français, mais quelque part on en fait un film de franchise, et on fait un film d'action, comédie-action, péchu. Mais du coup, là-dedans, on perdait aussi toute une finesse qu'il y a dans la BD, et la BD qui a évolué vers un univers plus sombre, en fait, ce qui, moi, m'intéressait bien. Donc, et après, sur le financement de Depuis la France, c'était compliqué de trouver, pour avoir un film qui ait de l'allure, c'est quand même minimum un budget à 20-25 millions d'euros, pour faire un film qui commence à avoir un casting anglo-saxon, et en même temps financé par des studios américains. Et moi, mon premier film n'avait pas suffisamment marché pour être éligible à ce type de film. Donc du coup, on a essayé par différents moyens. Et là, actuellement, l'angle, c'est de le faire en série, en format 6x52, et d'aller sur un univers donc, plus introspectif, un peu moins action, enfin il y en aura, mais on oublie vraiment le côté comédie, on essaie vraiment plutôt d'aller dans la crédibilisation de l'histoire, même s'il y a un côté décalé, mais on essaie vraiment de l'assumer dans un truc plus introspectif, sur un personnage en fait, qui est dans un truc de culpabilisation par rapport au mensonge, par rapport au fait que il est allé trop loin, qu'il ne peut plus faire marche arrière, qu'en fait, au départ, c'était un truc, quand il était plus jeune, c'était un peu une sorte de jeu, puis il a joué le truc par rapport au fait qu'il a un oncle aussi qui est prêtre, donc ça l'arrangeait bien, etc. Et en fait, ce qu'on a développé par rapport à la BD, c'est que lui a été présent quand son père est mort, et il se sent coupable de ça, parce qu'en fait, il se sent responsable de la mort de son père. Donc il y a toute une logique dans laquelle il ne se sent pas légitime pour, quelque part, reprendre le flambeau, et en même temps, il a une partie de lui qui a envie de venger symboliquement son père aussi. Donc on a développé le côté contradiction du personnage, et là on est parti pour le faire en anglais, justement, dans une économie qui ne sera pas celle d'un long métrage, mais en même temps, une économie quand même ambitieuse pour de la série, et comme actuellement les séries ont énormément évolué en termes d'ambition, ça correspond à un moment où moi je me dis que ça peut faire une série qui soit premium visuellement, en anglais, et en même temps avec une arche qui sera un peu plus introspective, un peu moins action. Voilà. Et le format série, il te permet d'avoir plus de liberté que sur un long métrage. Disons qu'en tout cas sur le ton et sur le type de budget, c'est vrai que moi ça correspond aussi à un moment où j'ai envie d'aller aussi vers ça. C'est-à-dire que si je l'avais fait il y a 10 ans, ça serait pas le même que maintenant, c'est tout. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle quand on travaille sur un scénario, on peut le retravailler toute sa vie si on ne le réalise pas. Moi je suis avant tout réalisateur avant d'être scénariste. J'ai toujours eu envie d'être chef d'orchestre ou fédérateur pour faire un projet. Donc, quelque part, en évoluant, sa sensibilité évoluant, en fait, l'angle qu'on pourrait prendre, il évolue. Et comme dans la BD, c'était un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, là, j'ai plus pris le parti de dire on va le rendre plus sombre et plus introspectif. Si je peux permettre, l'exemple que vous citez de Soda, sur lequel tu veux travailler, est très intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand je disais que c'est de la merde. C'est que si on parle de Lucky Luke et d'Astérix, vous êtes dans des projets qui sont des bandes dessinées monstres, c'est des bandes dessinées monuments de la bande dessinée franco-belge, et qui sont en fait un univers qui est finalement très fermé. Quand je dis très fermé, c'est-à-dire qu'en fait, la proposition, elle est... tout est dit, c'est des univers qui sont très déterminés à l'intérieur de la bande dessinée. et qui d'ailleurs cite le cinéma, etc. Donc ça devient, il cite un peu tout. Donc ça devient très difficile à adapter parce que le, y a pas de, c'est le contraire de la neutralité. Ça a trop de personnalité, si vous voulez, pour le dire un peu plus simplement. Le cas de Soda est intéressant parce que c'est une bande dessinée qui est beaucoup plus neutre. C'est-à-dire que même si elle a un style cartoon, elle a un style qui fait pas le même dessinateur, que même esprit que Spirou, etc. En réalité, c'est une bande dessinée déjà, dès le départ, qui cite le cinéma. Elle cite le cinéma américain, et le cinéma américain tel qu'on le connaît, il y a un esprit très cinéma années 60-70. Et donc le passage au cinéma, à mon avis, est beaucoup plus logique, parce que c'est un univers, en plus, qui est évolutif, qui change, comme tu disais, ça change d'aspect, le fond, le ton change, et le dessin, bien que ce soit un dessin comique, en réalité est un dessin relativement neutre par rapport à ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une incarnation, c'est pas un problème d'imaginer une incarnation par des personnages réels, même à la limite qui ne ressembleraient pas du tout, alors que si Tintin, si vous le faites au cinéma, ou si vous faites Astérix, il y a trop de distance avec le personnage d'origine, ce qui est très difficile parce qu'ils ressemblent tous sauf à des humains. C'est très difficile de les humaniser, de les incarner. Ça craint un peu. Soda, c'est un dessin comique, mais il est neutre. Et c'est un personnage relativement neutre. Et le fond de ce qui est raconté peut relativement, à mon avis, hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, puisque tu es le premier concerné, il passe relativement bien. La difficulté, quand je parlais d'Astérix, c'est que la volonté de départ, même si Alain Chabat, qui est un type très fin, qui aime quand il l'a adapté par exemple, et qui aime beaucoup la bande dessinée, qui respecte énormément Goscinny, a dû s'éclater en le faisant, le but était quand même de faire un blockbuster à partir d'un blockbuster de la bande dessinée. Il y avait une volonté quand même commerciale, en sachant que tout le monde allait se précipiter pour voir comment Astérix allait être incarné, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas résister à cette espèce d'appel. Ou Lucky Luke, on ne peut pas s'empêcher de se dire, voilà. Mais c'est des adaptations qui sont très problématiques. Quand je dis que c'est de la merde, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit que en réalité, c'est très difficile à faire. Soda, ça même pas, on ne voit pas. En fait, tout est déjà bloqué par l'œuvre de départ. Alors que Soda est une œuvre plus neutre, plus ouverte, où la transcription dans l'incarnation, dans le cinéma, est plus naturelle. Alors, il y a des autres questions. D'accord avec moi ou pas? Bonjour. Alors moi, la réflexion que j'avais, c'est que déjà depuis tout à l'heure, on ne parle que d'adaptation de bande dessinée, mais dans un cadre de fiction réelle. On n'a pas du tout parlé d'animation, par exemple. Et bah, ça me tracasse parce qu'en fait, il y a beaucoup de réponses à ce que vous dites, Monsieur Blin, qui, j'ai l'impression, sont liées à l'animation. C'est-à-dire que dans la traduction d'une œuvre, par exemple, bah, Astérix, on l'a vu récemment, peut-être que le meilleur Astérix, c'est celui qui a été fait récemment, qui est un film d'animation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne transgresse pas tout un univers qui avait été posé, est-ce que ça ne se passe pas mieux? Est-ce que Lucky Luke ne devrait pas être plutôt refait en animation? C'est justement pour ça qu'on en a moins parlé, c'est parce que ça pose moins de problèmes. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une évidence, si vous partez d'un dessin cartoon qui est très marqué, qui est très lisible et très identifiable, qui a d'accès à le dessin du Derzo, tout le monde y a accès. Mais sur plein de choses, tout à l'heure on parlait des répliques, de la manière dont on écrit les dialogues, et d'un seul coup, quand on les transpose dans la fiction, ça ne marche plus. Par exemple, on a vu plein d'adaptations, et d'un seul coup, ça devient littéral de passer de la bande dessinée à l'animation, et ça passe tout seul. Il y a eu Last Man, il n'y a pas longtemps, fait français, et je pense que les auteurs ont voulu rester dans le cadre de l'animation, ou Mutafukaze. Et il fallait surtout pas en sortir, en faire la parenté plus évidente. Hein. Comment ? La parenté plus évidente. Exactement, j'imagine. La parenté, les codes, même si vous avez des codes de narration, c'est du cinéma aussi. Hein, bah, exactement, et j'en venais à cette question, parce qu'en fait, vous aviez parlé que de vos expériences à en venir à faire des films réels. Est-ce que vous avez eu des expériences de films d'animation ? Et est-ce que vous avez pris. Quel plaisir vous avez pris à ça ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que c'était différent ? Est-ce que c'était mieux ? Est-ce que c'était moins bien ? Enfin, j'en sais rien. Voilà, ça c'était ma question. Alors moi, ça me fait, comment dire, là je vais commencer à travailler sur une série adaptée de Super Murgeman en animation. Donc voilà, moi je suis à la fois très heureux, mais en même temps j'ai un peu d'appréhension parce qu'honnêtement, Autant je vois comment adapter en prise de vue réelle, pour moi c'est pour le coup très concret, autant l'animation, c'est pas un savoir-faire que j'ai d'animer, de faire bouger des dessins, et j'ai cette appréhension de me dire, est-ce que je vais réussir à ce que ça reste vraiment proche de ce que j'ai en tête, parce que j'ai vu beaucoup d'exemples de bandes dessinées qui sont adaptées en anime et où l'animation est pas au niveau ni dans le dessin ni dans la fluidité ou le donc et comme moi je suis pas j'ai pas de formation en animation, c'est quelque chose qui me là j'ai une appréhension, mais après je sais qu'il y a des gens très talentueux avec qui je vais m'entourer et tout ira bien. Mais voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Alors pour rassurer, moi j'ai pas d'expérience, j'ai eu des projets d'adaptation. J'ai travaillé un peu dans l'animation sur des formats très courts et j'ai travaillé beaucoup avec des animateurs et j'ai beaucoup parlé avec eux. Et on a commencé à travailler sur des projets qui n'ont pas abouti. La capacité, les moyens techniques ont vachement évolué. Et effectivement, maintenant, tu peux avoir des trucs. Si tu le suis, si vraiment l'auteur de départ tient à être fidèle et il fait chier les animateurs il va les poursuivre jusqu'à temps que ça soit ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ça demande un investissement. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, c'est ton langage. Donc, il n'y a que toi qui sais exactement. La transcription n'est pas facile, mais elle est possible. Ça demande de t'investir dedans, mais c'est assez jouissif parce qu'en fait, de voir son dessin animé, c'est jouissif parce qu'on voit le dessin qui, avec la lumière, on voit une vie supplémentaire qui vient, et c'est très différent du Moi, j'avais parlé un peu avec Zep, qui avait donc adapté lui-même Titeuf en long métrage, et c'était une souffrance. Il m'avait dit que c'était pas du tout quelque chose qu'il était pressé de refaire, par exemple. Film réaliste et être metteur en scène, voilà. Ça a claqué en même temps. Et être metteur en scène, et donc d'un seul coup, c'est plus du tout le métier que dire à un comédien ce qu'il doit faire, à un chef opérateur, je veux que la lumière soit comme ça, avoir un ressenti au son et au machin, c'est plus du tout le même métier en fin de compte. Oui, tout à fait. Mais moi, je l'ai pris comme un pari en me disant, Alors ça pourrait être rassurant, l'animation, ça, c'est un truc qui n'est pas loin. Oui. Mais le cinéma, il y a quelque chose d'immédiat. Une fois que c'est tourné, c'est tourné. Alors que l'animation, ça peut durer, ça peut être sans fin. Et on est toujours dans l'espèce de truc où on essaye de construire un espèce de château de sable qui peut s'effondrer d'un coup. Alors qu'au cinéma, c'est plus par strates, mais ça peut s'effondrer aussi. Mais une fois que c'est tourné, c'est tourné. En animation, je pense que le choix de la voix, c'est vachement important aussi. Parce que dans tous les films d'anime, quand ils commencent par faire une animatique, ça veut dire du storyboard animé, et dans tous les films souvent animés, ils font d'abord jouer les comédiens avant qu'il y ait l'animation des personnages, pour avoir déjà une intention en fait, de jeu. Et souvent, ça marque énormément, je pense, les animateurs, c'est une source d'inspiration, en fait, aussi. Mais voilà, puis dans le cas de ma propre expérience sur le cinéma, moi, j'ai adoré ça, travailler avec les comédiens, avec les... Alors, en l'occurrence, si on parle du Poulain, c'était particulier parce que c'est une comédie, mais qui même si elle peut paraître un peu exagérée dans son propos, ça raconte donc une campagne présidentielle en France aujourd'hui. Et donc, ça met en scène des personnages d'une équipe de campagne qui essayent d'aller le plus loin possible. Et donc, c'est un peu la course. Ils se font un peu des coups pas possibles entre eux. Et on suit plus spécifiquement le parcours d'un personnage, un jeune homme qui découvre tout ça. Mais tout ce que je raconte dans le film, c'est des choses auxquelles j'ai pu assister moi, parce que j'avais fait une bande dessinée qui s'appelle Campagne présidentielle, où en 2012, j'avais suivi la campagne. En l'occurrence, j'avais été, en bon français, embedded dans l'équipe de campagne de Hollande, François Hollande, et donc j'avais pu observer aux premières loges tout ça. Et donc cette matière-là, je l'ai utilisé pour, un peu comme quand dans Quai d'Orsay, ils ont utilisé la matière de ce qu'avait vécu Antonin avec Villepin. Moi, je me suis servi de ce que j'ai pu observer. Mais donc, quand je décris une scène, je ne sais pas, moi, une réunion de communication, j'ai une référence précise, parce que je l'ai vue. Ou je ne sais pas, les coulisses d'un meeting ou quoi. Donc, c'était quand même quelque chose... Je n'étais pas dans une espèce de grand océan inconnu. C'est-à-dire que j'avais des références précises, des décors précis, et des indications très précises à donner aux comédiens. Et si on parle du lien avec la bande dessinée, je sais que, par exemple, le fait d'avoir storyboardé tout le film et d'avoir pu montrer aux équipes, non pas aux comédiens, mais aux équipes techniques, ben voilà ce que j'avais en tête, ça les a beaucoup aidés parce que, d'un seul coup, ça permettait, dans un langage immédiat, de comprendre... des questions de cadrage, des questions d'éclairage, des questions de... Et ça, c'est vrai que c'est... Je trouve qu'une des grandes difficultés au cinéma, c'est qu'on a une envie, une idée, et c'est comment l'expliquer, comment expliquer aux équipes ce qu'on veut obtenir. Et sachant parfois que les équipes sont très prêts à faire tout ce qu'on veut, mais il faut... Il y en a certains qui peuvent être opaques aussi, parce que quelque part, ils ont déjà tellement de pression sur leur poste à eux, qu'en fait, quelque part, il y en a certains qui s'intéressent vraiment à tout le reste, et puis d'autres, ils vont être focus vraiment sur leur truc. Moi, je sais que, par exemple, la musique est un truc... J'ai grandi dans une famille de musiciens classiques, donc j'ai toujours fait de la musique, et c'est quelque chose qui vient très tôt dans le process de travail. Et je me souviens, par exemple, que je faisais tout de suite des sortes de bandes originales en allant chercher des trucs que j'aimais bien, tout ça, et en voulant faire écouter et tout, mais c'était pas forcément toujours quelque chose qui... Et je pense que parfois les comédiens, même si on leur dit voilà, il va y avoir un plan comme ça, puis là du coup la musique elle commence ici, paf, et donc. Et au début, parfois, moi je donnais toutes ces informations là pour leur dire bah du coup j'ai besoin que tu arrives à tel endroit, et puis du coup après je prends quelque part c'est la mise en scène qui prend le relais. Et en fait, ça j'ai trouvé que parfois ça pouvait les perdre aussi, parce que quelque part eux en fait ils ont besoin d'être dans leur personnage à ce moment là, et quelque part ma cuisine je l'ai pas. Je ne dois pas toujours forcément la partager parce que je me suis rendu compte que pour certains... Oui, puis ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'indications et d'autres, il faut leur laisser un peu... Il y en a qui sont très instinctifs et d'autres qui ont besoin, au contraire, qu'on discute beaucoup, qu'on y approche, on va dire, comme le cerveau droit, le cerveau gauche, quoi, des approches plus instinctives et plus cérébrales. Et donc, en fonction de chacun, comme il y a certains comédiens qui ont besoin de faire beaucoup de prises pour être rassurés, d'autres, au contraire, ils sont tout de suite là. Et puis, par contre, si on en fait trop... ils se démobilisent et parfois même soit ça les agace, soit c'est peut-être de moins en moins bien presque, alors que d'autres montent en plus, donc il faut réussir à... Enfin, il y a tout un travail qui vient aussi, je trouve, en comprenant les humains quelque part, en comprenant la psychologie de chacun, en jouant avec ça, et moi c'est ça qui me passionne de plus en plus en fait. Et moi aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'en bande dessinée, venant de la bande dessinée, je peux contrôler tout ce que je veux, tout ce que je veux quand je dessine, et à l'inverse, passer au cinéma, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de jouer avec ce que me proposaient les équipes techniques, ce que me proposaient les comédiens, des choses que j'aurais jamais eu l'idée de convoquer, dans n'importe quel domaine, mais d'utiliser tous ces talents pour en faire quelque chose de bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Et aussi de jouer avec les accidents, parce que forcément, il y a des moments où ça ne se passe pas bien, mais arriver à faire en sorte que une situation imprévue, on va la tirer... ça va peut-être déboucher sur quelque chose de plus intéressant que ce qui était prévu. Alors, en BD, ça n'arrive pas. Ça. C'est, en BD, c'est juste une question de temps, et il n'y a jamais d'accident. Ça, j'ai dû apprendre en travaillant avec des enfants beaucoup, alors que j'aimais bien vraiment être ultra préparé... plutôt culture classique, où les musiciens classiques ne sont pas dans l'impro, en fait. Ils jouent souvent des partitions qui existent depuis plusieurs siècles, donc ils sont là pour l'interpréter, mais ils ne sont pas là pour la révolutionner, quoi. Et du coup, j'avais plutôt une approche assez, pas scolaire, mais en tout cas, j'étais très minutieux dans la préparation, et j'aime toujours, d'ailleurs, fabriquer un plan de façon hyper précise, mais le travail avec les enfants a fait complètement exploser ça au vol, parce que il fallait complètement s'adapter à eux, en fait. Et donc au début c'était douloureux parce que j'avais l'impression que si vous mettez des enfants dans un endroit où il y a des objets fragiles et puis ils font tout tomber et puis vous dites oh là t'arrêtes de toucher là, non reviens ici, puis en fait au bout d'un moment j'ai complètement retourné ma façon de faire en disant tiens je m'adapte à eux et je chope les trucs quand ils pètent les trucs, je le filme et du coup maintenant ça, ce qui est intéressant c'est que dans ma méthode j'ai une sorte de balance entre les deux, c'est-à-dire qu'en même temps je garde un truc très préparé Et en même temps, je suis beaucoup plus flexible à ce qui peut se passer. S'il y a une super belle lumière dans un autre acte, je me dis, bah, tiens, pourquoi on ne se mettrait pas là ? Et en sachant que l'équipe technique, elle est aussi, même quand il y a des choses préparées, elle peut aussi complètement se réadapter dès lors que les gens sentent qu'il y a un élan en fait, et qu'il y a un sens. Alors, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin du débat. Il y a une dernière question et une réponse très rapide, donc pas pour Christophe. Elle était facile. Du coup, c'est pas drôle si elle est courte, puisque je m'attendais à une longue réponse justement pour Christophe de votre part. Moi, je voulais vous poser des questions par rapport à l'écriture, en fait, la dramaturgie purement, parce que, enfin, on l'a esquivé depuis tout à l'heure. On a parlé de mise en scène, de prod, et de savoir comment fonctionner par rapport au cinéma, s'il y a un traitement, une espèce de séquencier, comment on rentre dans l'histoire, parce que je suppose qu'on n'attaque pas un dessin sans avoir une structure d'histoire. Si je peux vous répondre d'un coup. En fait, la dramaturgie, c'est pas, enfin, ça dépend de la personnalité s'il s'agit d'adapter la bande dessinée au cinéma, ça dépend de la personnalité des gens qui travaillent dessus, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, mais comment t'écris une BD ? C'est ça la question. Oui, oui, c'est une histoire assez structurée, oui. Oui, c'est une, ça monte par petits bouts. Non, mais déjà, pour expliquer, sans doute, il n'y a pas de recette, hein, tout le monde a des méthodes différentes, mais c'est vrai que nous, on travaille un peu de la même manière, c'est-à-dire que les premières choses qui sont... C'est déjà du dessin, c'est-à-dire qu'on écrit sous forme... Il y a des notes écrites, mais très vite, il y a des premiers dessins qui vont commencer à raconter, et une première ébauche... Et moi, je sais. Un storyboard, surtout. Voilà, je sais que quand je commence à écrire, c'est déjà du dessin, c'est déjà une mise en séquence graphique de l'histoire. Et ça, c'est très particulier. C'est pas, on va pas écrire un traitement, taper et pour ensuite le transposer en dessin. C'est d'abord le dessin est déjà parce que le dessin est un langage comme l'écrit finalement. Et donc quand on est habitué. En tout cas, le premier réflexe, c'est de commencer déjà à séquencer comme ça. Oui, et de faire un storyboard. Moi, je commence par des dialogues, mais le dessin vient et surtout la structure, les séquences, les séquences les unes par rapport aux autres, les cases, la taille des cases, ce qu'on met dans une page. Très rapidement, c'est déterminé avec des flashs qui sont au milieu. On dit tiens, j'ai envie qu'il se passe ça à un moment. L'histoire, elle monte petit à petit au départ d'une volonté assez floue dont on ne se rappelle pas une fois qu'on a commencé à l'écrire. Une fois qu'on est vraiment dans l'écriture, on ne se rappelle pas d'où elle vient en fait. C'est très difficile de retrouver le cheminement. Et puis ensuite, on la structure de manière plus ou moins empirique et on écrit page à page avec une idée de rythme. Moi, je sais que. Comme on parlait tout à l'heure, l'idée d'avoir envie de tourner les pages, il y a une idée musicale de savoir que, principe de base de la bande dessinée, que quand on arrive au bout d'un strip, c'est-à-dire une bande, ça doit vous amener, donc vous créez une espèce de, on pourrait dire une espèce de mini-suspense qui vous amène au strip d'en bas, et puis quand vous arrivez en bas de la page, il faut que ce soit un suspense plus fort ou une envie qui amène à aller à la page d'après. Et que si c'est une page de droite, elle doit être plus forte que c'est la page de gauche. On nous fait signe. Alors, vous pourrez continuer, j'imagine, à discuter après. On m'a chargé de conclure ce débat. En tout cas, merci aux intervenants. En tant que membre de l'ARP, je voudrais remercier les partenaires. Et pour ceux qui souhaitent, donc, il y a le débat suivant, donc, qui est être comédien au pluriel et cinéaste au pluriel, donc avec Anne Leni, Pascal Elbé et Pascal Légitimus. Et en tout cas, merci de votre écoute. Et à bientôt. Merci. À tous.